est-ce qu'elle s'ennuie en philo? Et qu'est-ce qu'elle fait sur ce banc, louée-la comme une enfant? Un peu plus loin, les copines se racontent leurs copains, des aventures de gamins. À la maison, ses parents sont comme avant, bien gentils, ignorant tout de sa vie. Elle voudrait bien leur crier, regardez-moi, tout a changé pendant le temps d'un été. Quand c'est la première fois, c'est plus grave qu'on ne croit. Quand on a 16 ans, que les gens tout autour de vous pensent, ce n'est qu'une enfant. Quand on a 16 ans, qu'on a eu ses plus belles vacances et son premier amant, c'est important. Lui, c'est si loin. Ce matin, on parle encore d'examen. On en parlera demain. Et cette nuit de juillet où son enfance a basculé, est-ce qu'elle ne l'a pas rêvé? Quand c'est la première fois, c'est plus grave qu'on ne croit. Quand on a 16 ans, que les gens tout autour de vous pensent, ce n'est qu'une enfant. Quand on a 16 ans, qu'il faut bien oublier les vacances et son premier amant. On est longtemps.